Allez friser, Rousseau! En étendant les deux copains, vous savez déjà le chemin. Chers camarades, ornons le front puissant d'une cocarde et de beaux rubans. En levant rapidement. Ouais, qui le moment des adieux. Et non, belle, adoucis ton chagrin, sois moins fidèle jusqu'à la Saint-Martin. Allons, Carmen. Garde d'un angle chez le chaud, elle ouvre un gîte chaud. Sois bien l'évêche. Elle n'en fait rire l'argent, remplit ses couèches de les lèchements pédrants. Doucement, Corbin. Tes balais truffés du blé noir attristent encore la carte de l'art. Dans les feuillottes, quand ta mière est purant, si double poste, il t'en dirait. Allons, va-t'en, ne rigole pas, il t'écrirait du Pays-Bas. En vie, en casse, le pio sans le faire manquer, et pourquoi tâche de ne pas m'oublier. Ce chariot est uni, mon sac, veille-moi mes pipes et mon tabac. Son Morvan vivre aussi bien en travaillant quand là l'ouvrage ne manque pas aux bras. Est-il donc sage d'aller aux Pays-Bas?